4. B. Sarah, où est-ce que tu passes tes vacances d'habitude ? Je voyage. J'aime voyager et découvrir des cultures différentes. Et tu vas où ? Ces dernières années, je suis allée au Kenya, au Pérou. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es là-bas ? Je visite le pays, je goûte la cuisine locale, je rencontre des gens. Pour moi, les vacances, c'est connaître des pays étrangers. Et quand est-ce que tu pars normalement ? En général, en septembre ou en octobre. En automne ? Oui, en automne. C'est moins cher. Alors, tu voyages toujours en avion ? Oui, en avion. Et puis dans le pays, en bus ou en train. Et toi, Julien, où est-ce que tu passes tes vacances d'habitude ? Moi, normalement, je prends mes vacances au printemps. Et je pars à la montagne, à Praloux. À Praloux ? C'est où ça ? En France ? Oui, c'est en France, dans les Alpes du Sud, près du parc régional du Mercantour. C'est vraiment très joli. C'est tout petit et c'est complètement isolé. Donc c'est parfait pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, au printemps, tout seul ? Ah mais je ne suis pas tout seul. Je pars en famille avec Annie et Alain. Mais c'est vrai que j'aime les vacances au calme. Et qu'est-ce que tu fais ? Du sport, des randonnées ? Oui, un petit peu de sport, du canoë-kayak, du VTT et des balades en montagne. Et il ne fait pas froid au printemps ? Pas du tout, il fait bon. Pour moi, c'est la température idéale. Je n'aime pas trop quand il fait chaud. Je préfère prendre des vacances au printemps. Et comment vous y allez ? En train ? Non, il n'y a pas de gare. On y va en voiture. Alors, Richard, tes vacances, normalement, tu les passes où ? Eh bien, écoute, chaque année, en été, on va à la plage, en Espagne, à Rosas. Tu connais ? Ben, non. Il y a beaucoup de Français qui vont passer leurs vacances là-bas. L'eau est très transparente. On y passe tout le mois d'août. Tu aimes la mer ? Oui, oui, j'aime beaucoup nager. J'adore ça. Et pour tes vacances, qu'est-ce que tu recherches, en fait ? La tranquillité, le... La plage, la mer. C'est très bien pour les enfants. Vous y allez en voiture, je suppose ? Non, en train.